la salle. Alors là, la musique que je viens de jouer là, c'est une composition de moi-même qui passe en radio depuis 2007 et qui s'appelle Mademoiselle. Voilà. Alors là, on l'a fait avec un style un peu. Pour me trouver sur internet, il faut taper ça. Sinon, musique. Alors. Là, c'est un petit peu une salade de riz avec des tomates pas coupées. Non. Un do. Do, basse de do. Sol, basse de si. Fa, basse de la. Ok. Do. Sol, basse de si. Fa, basse de la. Et après, je descends la basse sur le sol. Ok, Rosen. Faire des tas, hein. Pas besoin d'en faire trop difficile après. C'est bien, Ben, impeccable. Yes, d'accord. S'éternise trop sur les morceaux, après ça nous gave. Ouais, mais c'était. Je marche qu'avec des plugins en fait, hein. C'est Nexus là. Ça c'est. Ça c'est Contact. C'est Steinway 1928. Piano avec 8 Dio, la série 8 Dio. Du gros son. Je sais pas si tu connais. Si on jouait un truc connu, ça vous dit? Si on jouait un truc connu. Thank you. Ouais, je vais le choisir. On va voir ce que ça donne. C'est à 60, il y a plein de morceaux que je peux jouer. Il y a plein de morceaux que je peux jouer à 60. Ok. C'est bon, 60. Je sais plus comment on fait. Ouais, 60, c'est bon. J'écoute. Voilà, c'est bon. Là, je vais pouvoir vous jouer quelque chose. Jouer quelques trucs à moi. C'est trop rapide la batterie là. Trop rapide la batterie. Pas bon, pas bon, pas bien, pas bien. On a tous quelque chose en nous. Ah oui, je reconnais. Cette volonté de prolonger la vie. Ce désir fou de vivre une autre vie. Quelque chose en nous de télé. Mettez le métronome pour vous caler. Voilà. On a tous quelque chose. Tu recordes? Allez, c'est... Attends. Si tu recordes, ok. Eh hey, les gars, on la refait. Attendez, on la refait. Alors, nous allons jouer quelque chose de Tennessee. Avec moi-même, Patrice alias Kino. Ouais, pas de soucis. Il y a Titi qui enregistre. Qu'est-ce qu'on a? On a Dirty Did, Amp, la guitare, Hammer, encore une guitare, et aussi les drums. Qu'est-ce qu'on a? On a Benji 63. Et puis, pas évident à prononcer ça. Imis Petch. Bon, ok. Allez. Claque le piano là. Calme-toi bien avec le piano. Ouais. Ouais, le chant par contre, ça va être chaud. Hein. Je la connais pas par cœur moi. Moi je la connais. Et j'aime contenter de la jouer au piano. Je la connais. Mais bon, ça sera dur. Hein. Faut la caler. J'entends plus le métronome, merde. Ouais. Je vais me le mettre parce que je vais pas. Ouais. Tac, tac. Elle m'a foutu dedans la batterie. C'est vraiment un. C'est du rimshot. Dirty. Stop. Dirty. C'est du rimshot. Et boum. Boum. C'est ça le rythme. J'ai compris, tu mets une boîte à rythme, tu le joues pas à la main. Une fausse note. bug midi. Et merde. Chier ça. Y'avait plus la pédale, je comprenais pas. Merde, j'ai plus midi. Ah, il l'a presque, hein. Ah, je suis le piano. Il l'a presque. Oh, pas mal, déjà, c'est bien. Là, j'ai un bug midi, merde, je suis obligé de redémarrer. Ça, ça fait chier, quoi. Une compo à moi. Ah, il est resté là-dessus. Non, j'arrête. Ou alors un truc plus soft. Soliste. mineur 7. Basse de la. Ah, ça donne avec une basse. Mais reprenez au BPM. Vous êtes à contre BPM là. Elle est bonne la batterie.